Quant à Squid Game, c'est une série coréenne. C'est l'histoire des participants à un jeu qui risque leur vie pour gagner. Tous les participants à jeu sont soit ruinés, soit très endettés, ce qui fait qu'ils n'ont plus rien à perdre. Cette série lui a donné une toute autre image de la Corée et il compte bien regarder plus de séries coréennes et japonaises dorénavant.